Markendan, archive.org d'après, archive Carmel Lisieux.fr, licence Creative Commons partage à l'identique, usage non commercial. Procès apostolique de Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, témoin numéro 11, sœur Françoise Thérèse Martin, de l'Ordre de la Visitation. Sœur de Sainte Thérèse, Léonie, 1863-1941, était entrée à la Visitation et avait déposé comme septième témoin au procès informatif ordinaire, volume 1, page 339-359. Malgré son bon cœur, elle avait été pour les siens, à cause de sa nature faible et maladive, un sujet de préoccupation et de perplexité. L'itinéraire de sa vocation fut assez tourmenté, une première tentative chez les Clarisses d'Alençon, 1886, et deux autres ensuite à la Visitation de Caen, 1887, 1888 et 1893, 1895. La faiblesse et l'inconstance se mêlaient toujours à une indéniable bonne volonté comme à une générosité plus qu'ordinaire. Sœur Thérèse avait toujours cru à la réussite finale de la vocation de Léonie et elle affirma avant de mourir à Sœur Marie du Sacré-Cœur, « Après ma mort, je la ferai rentrer à la Visitation et elle y persévérera. » Cette prophétie se réalisa, à l'âge de 36 ans, le 29 janvier 1899, Léonie entra pour la troisième fois à la Visitation et elle y demeura. À l'école de Saint-François de Sales et de sa Sainte Sœur, elle suivit, humble et simple, la voie de l'enfance spirituelle évangélique, s'offrant elle-même à Dieu, dans un parfait abandon. Nous ne savons pas si la perspective de devoir déposer au procès apostolique fut cause de préoccupation pour Sœur Françoise Thérèse, comme cela avait été le cas pour le procès de 1910. Nous savons seulement que, désireuse de ne pas quitter le monastère de Caen, sans renoncer pourtant à sa déposition, elle eut l'audacieux courage de le demander à Monseigneur Le Monnier, venu célébrer avec les visitandines leur fête titulaire, le 2 juillet 1915. Elle en obtint cette réponse. « On ne va pas déranger tout un tribunal pour vous », s'exclama l'évêque. Mais tandis qu'en 1910 elle avait été reçue 5 jours chez les bénédictines du Saint-Sacrement où elle avait retrouvé Sœur Marie-Joseph de la Croix, Marcellinus et, l'ancienne domestique des Guérin, elle se rendit cette fois-ci, au Carmel de Lisieux, auprès de ses sœurs, sur l'ordre de l'évêque, et elle y demeura du 11 au 18 septembre 1915, y retrouvant donc Pauline, Marie et Céline. De retour à la Visitation, elle put participer, dans l'humilité et le recueillement, à l'ascension triomphale de sa sœur Thérèse qui l'avait beaucoup aimée. Sa santé commença à décliner en 1927, maladie fréquente, douleurs rhumatismales et arthritiques. Elle fut toujours de grande édification et mourut le 16 juin 1941. La déposition de sœur Françoise Thérèse est très simple, comme lors du premier procès. Elle reconnaît qu'elle a peu à dire sur la vie carmélitaine de Thérèse, en se basant surtout sur les lettres que sa sœur lui avait écrites, confère page 933-934. Mais elle a cependant quelques détails qui ne manquent pas d'intérêt sur les visites faites à Thérèse au parloir du Carmel de Lisieux. Quand je venais voir mes sœurs au parloir, je constatais que sœur Thérèse de l'Enfant Jésus se montrait particulièrement humble et discrète, laissant volontiers la parole aux autres. Elle était aussi d'une régularité très exacte, se retirant la première lors que le sablier indiquait que le temps concédé pour le parloir était passé. Léonie revient ailleurs sur cette délicatesse et fidélité de Thérèse. Lors qu'était écoulée la demi-heure, concédée pour le parloir, elle ne serait pas restée une seconde de plus, page 940. Ceci encore, quand je la voyais au parloir du Carmel, elle me paraissait toujours attentive à ne rien recevoir, à ne rien demander qui pût être contraire à la plus pure pauvreté religieuse. Page 940. La visitandine n'oubliait pas le rôle joué par Thérèse pour l'heureuse issue de sa vocation. Elle témoigne encore en ces termes de la bonté de sa sœur. J'ai remarqué qu'elle était très oublieuse d'elle-même, cherchant toujours à faire plaisir aux autres. J'ai été très particulièrement touché de la grande délicatesse avec laquelle elle agissait à mon égard. J'avais alors 23 ans et elle 13 seulement, mais j'étais très en retard pour mes études et ma formation. Ma petite sœur se prêtait à m'instruire avec une très grande charité et un tact exquis pour ne pas m'humilier. Page 922. Ma petite sœur était toujours très douce et parfaitement maîtresse d'elle-même. Je ne me souviens pas de l'avoir jamais vue témoigner de l'impatience, ni à plus forte raison se fâcher. Page 938. La déposition de Léonie revêt un intérêt tout particulier pour la partie historique du procès de béatification et de canonisation de son père et de sa mère, dont sœur Thérèse a écrit à mère Agnès. J'ai le bonheur d'appartenir aux parents sans égaux, qui nous ont entourés des mêmes soins et des mêmes tendresses. Manuscrit à 5, 1. On pourra se reporter notamment aux pages 916 et 917, qui contribuent à rétablir la vérité, à l'encontre de certaines insinuations, non fondées, que l'on n'a pas manqué de donner contre monsieur et madame Martin. Le témoin a déposé les 13 et 14 septembre 1915, au cours des 46e et 47e sessions, page 913, 950 de notre copie publique, session 46, 13 septembre 1915, à 9h et à 2h de l'après-midi. Le témoin répond correctement à la première demande, réponse à la deuxième demande. Je m'appelle Marie-Léonie Martin, en religion sœur Françoise Thérèse, professe de la Visitation Sainte-Marie de Caen, où j'ai fait profession le 2 juillet 1900. Je suis né à Alençon, diocèse de C, le 3 juin 1863 de Louis-Joseph Stanislas Martin, bijoutier de Marie-Zélie Guérin. Je suis donc la sœur de la servante de Dieu, Thérèse de l'Enfant de Jésus. Le témoin répond correctement de la troisième à la cinquième demande. Réponse à la sixième demande. Mon seul désir est la gloire de Dieu, et je ne crois pas qu'il y ait en moi aucune mauvaise disposition qui m'empêche de dire la vérité. Je fais ma déposition très librement, et personne ne m'a imposé mon témoignage. Réponse à la septième demande. À l'époque de la naissance de la servante de Dieu, j'étais à Alençon, chez mes parents, et j'ai été témoin direct des premières années de la servante de Dieu. Quand mon père vint à Lisieux, après la mort de ma mère en 1877, je fus mis alors en pension, chez les bénédictines de Lisieux. Je voyais mon père et mes sœurs les jours de congé et pendant les vacances. En 1881, je quittai la pension et j'habitais au Buisson Net avec mon père et mes sœurs jusqu'en 1886. À cette époque je m'absentais pour faire essai de la vie religieuse. Je rentrai au Buissonnaise en janvier 1888, quelques mois avant l'entrée de la servante de Dieu au Carmel. Ce n'est qu'après la mort de la servante de Dieu que je quittai Lisieux pour entrer définitivement à la visitation en janvier 1899. Pendant la vie de la servante de Dieu au Carmel, je la visitais de temps à autre au parloir. Je me servirai pour mon témoignage de ce que j'ai observé par moi-même, et aussi des écrits de sœur Thérèse de l'Enfant de Jésus et des lettres de famille, écrites par mes sœurs. Ces documents m'ont beaucoup servi pour raviver mes souvenirs. Réponse à la huitième demande, j'ai toujours beaucoup aimé la servante de Dieu, même pendant sa vie, car c'était une ravissante enfant. Depuis sa mort, j'ai pour elle une dévotion très vive, la méditation de ses exemples et de ses écrits me fait le plus grand bien, elle est ma sainte idéale. Je désire beaucoup l'heureux succès de son procès de béatification. Ce n'est pas parce qu'elle est ma sœur et que je l'aime à ce titre, C'est parce que Dieu sera par là plus connu et mieux aimé, sœur Thérèse de l'Enfant de Jésus ayant montré en action ce que notre Seigneur recommande tant dans l'Évangile. Celui qui se fera petit comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, Matthieu 18, 4. Réponse à la neuvième demande. La servante de Dieu est née le 2 janvier 1873, à Alençon, diocèse de Céhé. J'ai rapporté ci-dessus, en répondant à la deuxième question, les noms et la condition de nos parents. J'ai assisté au baptême de ma petite sœur, elle reçut ce sacrement le 4 janvier 1873, dans l'église de Notre-Dame d'Alençon, c'est Monsieur l'abbé Dumaine. Alors vicaire de Notre-Dame d'Alençon et aujourd'hui vicaire général de Monseigneur l'évêque de Cé, qui lui donna le baptême, elle eut pour marraine notre sœur aînée, Marie, son parrain fut le fils d'un ami de mon père, j'ai oublié ses noms. La servante de Dieu reçut au baptême les noms de Marie-Françoise Thérèse. Elle n'a reçu la confirmation que beaucoup plus tard, l'année de sa première communion aux bénédictines de Lisieux, le 14 juin 1884. Thérèse était la neuvième et dernière enfant, issue du mariage de mes parents. Des 8 enfants qui avaient précédé, 4 étaient morts, 2 petits frères et 2 petites sœurs, restaient alors 4 sœurs, à savoir, Marie, Pauline, Léonie et Céline. Quant aux dispositions de mes parents, je puis dire qu'ils étaient des chrétiens exemplaires. Mon père, d'abord, était remarquable par sa grande charité envers les pauvres et son extrême fidélité au moindre devoir du chrétien. Aucun intérêt n'aurait pu le décider à ouvrir, le dimanche, son magasin de joaillerie. Il assistait chaque jour à la Sainte Messe, et communiait souvent, il communiait même tous les jours dans les temps qui ont précédé sa dernière maladie. Il observait, dans toute leur rigueur, les jeûnes proscrits par l'Église, même à l'âge de 67 ans. Je noterai aussi son respect remarquable pour les prêtres qu'il ne manquait jamais de saluer, même s'ils étaient des inconnus. Notre mère était remarquable par son esprit de foi et sa charité pour les pauvres, elle allait tous les jours à la première messe. Agrégée au tiers ordre de Saint François d'Assise, elle en observait la règle avec une stricte fidélité et se montrait mortifiée dans la nourriture et en toutes choses. Elle professait un continuel oubli d'elle-même. Elle pratiquait certainement la communion fréquente, mais la communion quotidienne était peu en usage à cette époque, et je ne me souviens pas assez de ce temps-là pour dire si ma mère communiait dans la semaine. Nos parents aimaient tendrement leurs enfants, mais ne les élevaient point avec cette mollesse si commune aujourd'hui. Ils avaient grand soin de la formation de notre âme aux habitudes et aux vertus chrétiennes. Réponse à la dixième demande. Notre mère eut d'abord le dessein de nourrir elle-même la petite Thérèse, mais elle dut y renoncer à cause de l'état de faiblesse de sa santé. On la mit donc en nourrice à la campagne. Après 1 an ou 18 mois, la petite Thérèse s'était fortifiée. Ma mère la reprit et l'éleva jusqu'à l'âge de 4 ans et demi. Notre mère mourut alors en 1877. Dès ses premières années, la petite Thérèse était remarquable par son obéissance et sa franchise. Il suffisait qu'on lui eût dit une fois qu'une chose était mal pour qu'elle s'en abstînt avec une extrême attention. Quand elle avait fait quelque maladresse d'enfant, bien vite elle s'en accusait elle-même. Elle montrait, dès l'âge de 3 ans, une intelligence extraordinaire des choses et de la piété, c'est ainsi qu'elle expliquait à sa sœur Céline, plus âgée qu'elle de 4 ans, qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que le bon Dieu soit présent dans une petite hostie puisqu'il est tout puissant, et qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Manuscrit à 10, 1. Au mois d'août 1877, le 28, notre mère mourut. Mon père, après cet événement, quitta Alençon et vint à Lisieux. Il le fit à regret, mais pour le bien de ses enfants, afin que nous trouvions dans Madame Guérin, belle-sœur de notre mère, un appui et un conseil utile, puisque notre sœur aînée, Marie, n'avait encore que 17 ans. Ce furent nos sœurs aînées, Marie et Pauline, qui présidèrent réellement, au Buissonnet, à notre éducation. La petite Thérèse avait, par délicatesse, choisi Pauline pour sa petite mère, et c'est Pauline en effet qui eut l'influence la plus directe sur l'éducation de son âme. Elle se fit même son institutrice jusqu'en octobre 1881. À cette époque, j'étais sorti de la pension des bénédictines de Lisieux, et la petite Thérèse, âgée de 8 ans et demi, alla m'y remplacer mais seulement à titre de demi-pensionnaire, revenant chaque soir à la maison. À cet âge de 5 à 8 ans, les dispositions de la servante de Dieu pour la piété étaient déjà remarquables. Son attitude, le soir, pendant la prière en famille ou pendant les lectures de piété, montrait que son attention était alors toute fixée vers le bon Dieu. Elle se préparait, chaque année, à la fête de Noël par une neuvaine, durant laquelle elle faisait chaque jour 9 pratiques de vertu. Dès cette époque, elle aimait à contempler une pieuse image, représentant la petite fleur du divin prisonnier manuscrit à 31:2. À la voir, on devinait que déjà elle s'entretenait avec son Jésus en de brûlants colloques, tout intime cependant, car rien ne paraissait à l'extérieur, sinon l'éclat de son visage qui prenait une expression toute céleste. Suite de la réponse à la 10e demande. Elle fut pensionnaire, aux bénédictines, depuis l'âge de 8 ans et demi, jusqu'à l'âge de 13 ans environ. Pendant cette période, le caractère de la servante de Dieu parut d'une maturité supérieure à son âge, elle n'aimait pas les jeux bruyants. D'ailleurs, depuis la mort de notre mère, elle était devenue moins enjouée, très sensible et facilement mélancolique. L'intimité de la famille lui convenait mieux que l'agitation d'une école publique. Elle réussissait très bien dans ses études, et se montrait reconnaissante, obéissante et douce envers ses maîtresses. Elle était bonne à l'égard de ses petites compagnes, elle n'aurait jamais voulu faire de peine à personne. Mais il est vrai de dire que ce milieu ne lui convenait pas très bien, et qu'elle n'y fut jamais complètement heureuse. Pendant la semaine sainte de l'année 1883, la petite Thérèse fut saisie d'un mal étrange et violent. Depuis quelques mois, peut-être depuis l'entrée de Pauline au Carmel, octobre 1882, elle était particulièrement triste et se plaignait de maux de tête continuels. Le mal, arrivé à l'état aigu, se manifestait par des crises de terreur qui se déclaraient inopinément, à propos de circonstances futiles, parfois à diverses reprises dans la même journée. Dans l'intervalle des crises, elle était comme inerte et parlait peu, je ne saurais dire si elle avait alors pleinement sa connaissance. Nous ne pouvions la quitter une seule minute. Un jour que je m'étais absenté pour quelques instants seulement, elle profita de mon absence pour se précipiter sur le pavé par-dessus la tête du lit. À mon retour, je fus très effrayé, mais elle ne s'était fait aucun mal. Je n'ai jamais assisté aux consultations du médecin ni entendu moi-même le médecin formuler son opinion, mais j'ai entendu dire, dans les réunions de famille, que le médecin disait « C'est une maladie nerveuse, je n'y comprends rien, peut-être restera-t-elle dans cet état ?» À certaines heures, la malade ne reconnaissait plus ni son père, ni sa sœur Marie. Après 6 semaines de maladie, le 10 mai 1883, le mal était à son paroxysme. Effrayé et désolé, au cours d'une crise plus violente que les autres, mes sœurs et moi nous nous agenouillâmes au pied d'une statue de la Sainte Vierge qui était dans la chambre. J'étais resté à sangloter, la tête dans mes mains, aussi je ne vis pas l'expression extatique de la petite malade, favorisée de l'apparition de la très Sainte Vierge. Seulement, quand je me relevai de ma prière, je trouvai notre petite Thérèse parfaitement guérie. Son visage avait repris son calme et sa beauté, et jamais depuis aucune trace ne reparut de cette même maladie étrange. Je crois qu'elle n'avait pas 7 ans, quand elle se confessa pour la première fois, elle se confessait ensuite aux principales fêtes, et aimait cette réception du sacrement de pénitence. La servante de Dieu fit sa première communion dans la chapelle des Bénédictines le 8 mai 1884, à l'âge de 11 ans et demi. Elle eût bien désiré la faire plus tôt, mais elle devait se soumettre au règlement de ce temps-là. « C'est bien triste, » disait-elle, d'être retardée d'une année faute d'être née 2 jours plus tôt. Elle se prépara à ce grand acte avec une ferveur extraordinaire, multipliant surtout, pour cela, les petits sacrifices et les actes d'amour de Dieu qu'elle notait très exactement sur un petit carnet. J'eus l'occasion de la voir pendant sa retraite préparatoire. Elle était dans un recueillement profond et toute pénétrée de la pensée de la prochaine venue de notre Seigneur en elle. Le jour surtout de sa première communion, l'expression toute céleste et angélique de ses traits montrait qu'elle était plus au ciel que sur la terre. Vers l'âge de 13 ans, Thérèse dut quitter le pensionnat des Bénédictines pour revenir en famille. Je ne crois pas qu'elle l'ait demandé elle-même, mais mon père qui voyait l'état précaire de sa santé, la rappela auprès de lui. Elle acheva son instruction, en prenant des leçons chez une maîtresse en ville et en étudiant seule à la maison. À cette époque, je quittais, à plusieurs reprises, la maison paternelle pour des essais de vie religieuse. Je ne me trouvais donc que de temps à autre dans la compagnie de la servante de Dieu. Je puis cependant témoigner qu'elle était très pieuse toujours, communiait plusieurs fois la semaine, et assister quotidiennement, je crois, à la Sainte Messe. J'ai remarqué alors aussi qu'elle était très oublieuse d'elle-même, cherchant toujours à faire plaisir aux autres. J'ai été très particulièrement touché de la grande délicatesse avec laquelle elle agissait à mon égard. J'avais alors 23 ans, et elle 13 seulement, mais j'étais très en retard pour mes études et ma formation. Ma petite sœur se prêtait à m'instruire avec une très grande charité et un tact exquis pour ne pas m'humilier. Réponse à la 11e demande. Thérèse ne m'a jamais fait confidence de ses pensées de vocation. À l'époque où se traitait à Bayeux et à Rome la question de son entrée au Carmel, j'étais absent de la maison, comme je l'ai dit, pour un essai de vie religieuse, je ne sais donc que par ouï dire de mes sœurs. Et par la lecture de une histoire d'une âme, ce qui a rapport à ces événements. Réponse à la 12e demande. Je n'ai pu connaître qu'indirectement ce qui s'est passé pendant les années de séjour de Sœur Thérèse au Carmel. J'ai pourtant remarqué personnellement quelques détails. Ainsi, quand je venais voir mes sœurs au parloir, je constatais que Sœur Thérèse de l'Enfant de Jésus se montrait particulièrement humble et discrète, laissant volontiers la parole aux autres. Elle était aussi d'une régularité très exacte, se retirant la première lorsque le sablier indiquait que le temps concédé pour le parloir était passé. Réponse aux 13e et 14e demandes. Autant que j'ai pu observer la vie de ma petite sœur, jamais je n'ai remarqué, dans sa conduite, la moindre infraction à aucun devoir ou obligation, ni aucun relâchement dans la pratique des vertus. Réponse de la 15e à la 21e demande inclusivement. L'esprit de foi de la servante de Dieu m'a apparu surtout dans l'habitude contente qu'elle avait d'apprécier toute chose au point de vue de Dieu, dans ses conversations, dans les conseils qu'elle me donnait, dans les lettres qu'elle m'écrivait. Il n'était question que de pensées célestes. Je ne peux trouver rien de mieux pour donner une idée de ses pensées habituelles, que de citer encore 2 passages des lettres qu'elle m'a adressées, et que je considère comme un trésor. Le 20 août 1894, elle m'écrit à l'occasion de la mort de notre père. « Je pense plus que jamais à toi depuis que notre père chéri est parti au ciel, je crois bien que tu ressens les mêmes impressions que nous. » La mort de papa ne me fait pas l'effet d'une mort mais d'une véritable vie. Je le retrouve après 6 ans d'absence, je le sens autour de moi me regardant et me protégeant. Chère petite sœur, ne sommes-nous pas plus unis encore maintenant que nous regardons les cieux, pour y découvrir un père et une mère qui nous ont offert à Jésus? Bientôt leurs désirs seront accomplis et tous les enfants que le bon Dieu leur a donnés vont lui être unis pour jamais. Lettre 170. 11 avril 1896. Ma chère Léonie, ta toute petite sœur ne peut s'empêcher de venir aussi te dire combien elle t'aime et pense à toi, surtout en ce jour de ta fête. Je n'ai rien à t'offrir, pas même une image et, mais je me trompe, je t'offrirai demain la divine réalité, Jésus hostie, ton époux et le mien. Chère petite sœur, qu'il nous est doux de pouvoir toutes et les cinq nommer Jésus notre bien-aimé, mais que sera-ce lorsque nous le verrons au ciel et que partout nous le suivrons, chantant le même cantique qu'il n'est permis qu'aux vierges de redire. Alors nous comprendrons le prix de la souffrance et de l'épreuve, comme Jésus nous rediront, il était véritablement nécessaire que la souffrance nous éprouvât et nous fît parvenir à la gloire. Ma petite sœur chérie, je ne puis te dire tout ce que mon cœur renferme de pensées profondes qui se rapportent à toi. La seule chose que je veux te répéter est celle-ci, je t'aime mille fois plus tendrement que ne s'aiment des sœurs ordinaires, puisque je puis t'aimer avec le cœur de notre céleste époux. C'est en lui que nous vivons de la même vie et que pour l'éternité je resterai, ta toute petite sœur, Thérèse de l'Enfant de Jésus, lettre 186. Session 47. 14 septembre 1915. À 9h et à 2h de l'après-midi. Réponse de la 22e à la 26e demande. Pendant les années que j'ai passées avec la servante de Dieu avant son entrée au Carmel, j'ai bien souvent remarqué que le but de ses efforts n'était pas de trouver le bonheur ici-bas. Elle pensait très souvent à l'éternité et au bonheur du ciel, et aimait à en parler. Depuis son entrée au Carmel, je n'ai connu les dispositions de son âme que par quelques lettres qu'elle m'a écrites et que j'ai déjà citées au premier procès. J'en rappelle ici les principaux passages qui montrent que la pensée du ciel lui était de plus en plus familière, et qu'elle envisageait à ce point de vue les souffrances de la terre. Elle m'écrit le 20 mai 1894, « Je ne puis te dire tout ce que je voudrais, mais un jour, au ciel, dans notre belle patrie, je te regarderai, et dans mon regard, tu verras tout ce que je voudrais te dire. En attendant, il faut la gagner cette patrie des cieux, il faut souffrir, il faut combattre. » Lettre 163. En janvier 1895, après la mort de notre père, elle m'écrit, « L'année qui vient de s'écouler a été bien fructueuse pour le ciel, notre père chéri a vu ce que l'œil de l'homme ne peut contempler. Notre tour viendra aussi. Oh qu'il est doux de penser que nous voguons vers l'éternel rivage. Chère petite sœur, ne trouves-tu pas comme moi que le départ de notre père chéri nous a rapprochés des cieux? Plus de la moitié de la famille jouit maintenant de la vue de Dieu, et les cinq exilés de la terre ne tarderont pas à s'envoler vers leur patrie. Cette pensée de la brièveté de la vie me donne du courage. Elle m'aide à supporter les fatigues du chemin, etc. » Lettre 173. Réponse de la 27e à la 31e demande. Pendant les années de sa petite enfance, la servante de Dieu aimait beaucoup tout ce qui se rapportait à la piété. À l'âge de 7 ans, alors que Marie-Pauline préparait Céline à sa première communion, Thérèse suppliait qu'on l'admît à assister à ses leçons et à ses exercices. La piété de Thérèse était éclairée, aimable, sans affectation et sans contention, elle allait au bon Dieu avec la naïveté et la candeur d'un enfant qui se jette dans les bras de son père. À l'église, elle était la plus recueillie, même pendant les longs offices, et fait c'est l'admiration d'une pieuse personne chargée de garder les enfants. J'ai dit que, depuis son entrée au Carmel, la servante de Dieu s'était trouvée séparée de moi. Je ne connais les dispositions de son âme que par quelques lettres et c'est les souvenirs du parloir. Je pourrais aussi redire ce que j'ai entendu raconter par mes sœurs, ou ce que j'ai relevé dans des notes qu'elles m'ont communiquées en des lettres qu'elles m'ont écrites. Mais ce serait répéter inutilement le témoignage qu'elles ont pu fournir elles-mêmes. Voici un passage d'une lettre que m'écrivit Thérèse le 12 juillet 1896. Elle y commente ce texte du cantique, « Tu as blessé mon cœur, par un cheveu de ta tête, Nous qui vivons dans la loi d'amour, comment ne pas profiter des amoureuses avances que nous fait notre époux? Comment craindre celui qui se laisse enchaîner par un cheveu qui vole sur notre cou? Sachons donc le retenir prisonnier, ce Dieu qui devient le mendiant de notre amour. En nous disant que c'est un cheveu qui peut opérer ce prodige, il nous montre que les plus petites actions sont celles qui charment son cœur. Ah, s'il fallait faire de grandes choses, combien nous serions à plaindre? Mais que nous sommes heureuses puisque Jésus se laisse enchaîner par les plus petites lettres. 191. Réponse de la 32e à la 36e demande. Vers l'âge de 5, 6 et 7 ans, Thérèse montrait déjà un très grand dévouement pour le prochain. J'ai déjà dit qu'elle n'aimait pas les jeux puérils et qu'elle était volontiers réfléchie et silencieuse. Or elle passait des après-midi entières à jouer ainsi contrairement à ses goûts, pour distraire une petite cousine maladive. Je pourrais rappeler ici ce que j'ai dit précédemment de sa patience et de sa bonté à mon égard. J'ai appris de Mère Agnès de Jésus le trait suivant qui montre sa charité envers moi. Mère Marie de Gonzague, prieure, avait dit à Thérèse de demander, le jour de sa profession, quand elle serait prosternée, la guérison de notre Père, mais elle se contenta de dire, « Mon Dieu, faites que Papa guérisse. Si c'est bien votre volonté, puisque notre mère m'a dit de vous le demander, mais pour Léonie faites que ce soit votre volonté qu'elle soit visitandine. Et, si elle n'a pas la vocation, je vous demande de la lui donner, vous ne pouvez pas me refuser cela. Il est vrai qu'alors je sortis de la visitation après un essai infructueux, mais la confiance de la servante de Dieu restait inébranlable. Elle dit à Sœur Marie du Sacré-Cœur, après ma mort, je ferai rentrer Léonie à la visitation et elle y persévérera. Quand elle était petite, elle aimait à s'occuper des pauvres, et rien ne la rebutait, pas même la saleté. Elle embrassait et caressait les petits enfants pauvres et souvent malpropres. Elle aimait à instruire les petits enfants et à leur parler du bon Dieu. Plus tard, elle m'écrivait du Carmel, le 12 juillet 1896, dans une lettre déjà citée, « Ce ne sont pas les petits sacrifices qui te manquent, ma chère Léonie, je me réjouis de te voir en face d'un pareil trésor. » Et surtout en pensant que tu sais en profiter, non seulement pour toi, mais encore pour les âmes. Il est si doux d'aider Jésus par nos légers sacrifices, à sauver les âmes qu'il a rachetées au prix de son sang, lettre 191. Réponse au 37e et 38e demandeur. Sa prudence me paraît remarquable dans les conseils qu'elle me donnait pour mon salut ou pour ma vocation. Pendant que j'étais dans le monde, je souffris à ce sujet de très grandes hésitations, et je fis plusieurs essais de vie religieuse. Au parloir, la servante de Dieu m'encourageait à la persévérance et me détournait des moindres mondanités. Elle disait qu'ayant revêtu l'habit religieux, même transitoirement, je ne devais me permettre aucune recherche de vanité dans ma toilette. D'ailleurs, comme je l'ai dit, elle gardait l'espoir, qui s'est réalisé, de ma consécration définitive dans l'ordre de la visitation. Voici un passage d'une de ses lettres, au temps de mes épreuves, 11 octobre 1894, « Depuis que nous connaissons tes épreuves, toutes nos pensées et nos prières sont pour toi. J'ai une grande confiance que ma chère petite visitandine sortira victorieuse de toutes ces grandes épreuves et qu'elle sera un jour une religieuse modèle. Jésus sommeille pendant que sa pauvre épouse lutte contre les flots de la tentation, mais nous allons l'appeler si tendrement qu'il se réveillera bientôt. Commandant au vent et à la tempête. Petite sœur chérie, tu verras que la joie succédera à l'épreuve, et que plus tard tu seras heureuse d'avoir souffert. » Lettre 171. À l'appui de ce que je viens de dire touchant la sagesse de ses conseils et de sa doctrine, je ne puis mieux faire que de citer ce beau témoignage de notre Saint-Père Benoît XV. Le 17 mai 1913, alors qu'il était archevêque de Bologne, Il écrivait à l'occasion d'une édition italienne de la vie de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Il semble que cette pieuse disciple du Carmel ait voulu nous persuader de la facilité d'atteindre la perfection chrétienne. C'est pourquoi elle incita à nous indiquer sa voie d'enfance spirituelle. Rien ne devrait être plus facile que la confiance à la manière des enfants ou le total abandon dans les bras de Jésus. Il nous est doux de nous arrêter à l'espérance que l'exemple de Thérèse de l'Enfant de Jésus sera utile aux fidèles de notre diocèse, elle qui par la sainte simplicité atteignit les sommets de la perfection. Annales 7, 1931. Le témoin poursuit en répondant aux 39e et 40e demandait. Je ne vois aucune réponse précise à faire à ces questions, sinon de répéter que la servante de Dieu était d'une exactitude parfaite dans l'accomplissement de tous ses devoirs soit envers Dieu, soit envers les hommes. Réponse à la 41e demande. Ma petite sœur était toujours très douce et parfaitement maîtresse d'elle-même. Je ne me souviens pas de l'avoir jamais vue témoigner de l'impatience, ni à plus forte raison se fâcher. Elle ne recherchait pas non plus de friandises comme les autres enfants. Réponse à la 42e demande. La servante de Dieu avait en haute estime le mérite de la souffrance supportée courageusement pour le bon Dieu. J'ai trouvé qu'elle manifestait une grande force d'âme dans les circonstances difficiles. Ainsi fut-il, lors de son entrée au Carmel, elle aimait très tendrement notre Père, et en était particulièrement aimée. Elle sentait certainement une vive douleur de cette séparation, et la pensée du chagrin qu'en ressentirait notre Père rendait encore le sacrifice plus héroïque. Cependant elle se sépara alors de sa famille avec un calme parfait. Je la trouvai aussi très courageuse à l'occasion de la maladie de mon Père. J'ai cité déjà quelques passages de ses lettres dans lesquels elle exprime avec quelle générosité et quel esprit de foi, elle supportait ce sacrifice. Dans les conseils qu'elle me donnait, elle répète souvent que le sacrifice et la souffrance doivent être considérés comme des grâces précieuses. Elle m'écrit en janvier 1895, « Le bon Dieu te trouve digne de souffrir pour son amour ?» Et c'est la plus grande preuve de tendresse qu'il puisse te donner, car c'est la souffrance qui nous rend semblables à lui. Lettre 173. Réponse à la 43e demande. La servante de Dieu était aimable et gracieuse, mais elle n'avait aucune vanité et ignorait jusqu'à l'ombre du mal. Elle avait, par nature, le goût de ce qui est beau, et cette noblesse de son âme la tenait très au-dessus des plaisirs sensuels. Réponse à la 44e demande. Lorsque Thérèse était enfant, elle ne dépensait pas l'argent qu'on lui donnait à se procurer des superfluités, elle employait presque tout en aumône aux pauvres, ou pour de bonnes œuvres ou encore pour procurer à d'autres quelques plaisirs. Quand je la voyais au parloir du Carmel, elle me paraissait toujours attentive à ne rien recevoir, à ne rien demander qui pût être contraire à la plus rigoureuse pauvreté religieuse. Réponse à la 45e demande. Dans son enfance et sa jeunesse, jusqu'à son entrée au Carmel, la servante de Dieu était d'une obéissance très exacte, facile et joyeuse. Il ne fallait jamais lui dire deux fois la même chose et elle suivait avec une ponctualité exacte le petit règlement qu'à l'âge de 13 et 14 ans elle s'était imposé pour l'emploi de son temps et l'ordre de ses lectures. Au parloir du Carmel, je constatais aussi son obéissance parfaite, lorsqu'était écoulée la demi-heure, concédée pour le parloir, elle ne serait pas restée une seconde de plus. Jamais elle ne contestait, et elle soumettait son jugement avec une grande facilité. Réponse à la 46e demande. Thérèse, dans son enfance, était réservée et modeste, et ne se mettait jamais en avant, et se persuadait facilement qu'elle était inférieure aux autres. Quoiqu'elle fût très jolie, elle n'en avait point souci et semblait l'ignorer, et se montrait indifférente à recevoir de ses sœurs aînées telle ou telle forme de vêtements. Quoique notre père l'aimât d'une affection toute spéciale, que d'ailleurs elle méritait bien, elle ne s'en prévalait jamais et restait humblement soumise à ses sœurs. Les lettres, qu'elle m'écrivit plus tard du Carmel, sont toutes remplies des éloges de la vertu d'humilité et d'exhortation à la pratiquer. Elle m'écrit le 27 décembre 1893, « Demande pour moi au petit Jésus que je reste toujours petite, toute petite, lettre 154. » Le 22 mai 1894, faisant allusion au nom de Thérèse que j'avais reçu en religion, et qui était aussi le sien, elle m'écrit, « Laquelle des Thérèse sera la plus fervente, celle qui sera la plus humble, la plus unie à Jésus » lettre 164. Le 28 avril 1895, les créatures ne verront pas mes efforts pour la vertu, tâchant de me faire oublier, je ne voudrais d'autre regard que celui de Jésus. Qu'importe si je parais dénué d'esprit et de talent, je veux mettre en pratique ce conseil de l'imitation, ne mettez votre joie que dans le mépris de vous-même. Aimez à être ignoré et compté pour rien. Lettre 176 et Imitation Livre 1, Chapitre 2, 3. Réponse à la 47e demande. Je vis en communauté, au milieu de personnes très fidèles et très ferventes, mais le contraste est frappant entre leur manière d'être et ce que j'ai observé chez la servante de Dieu. Ce contraste m'apparaît surtout en ce qu'il n'y avait dans sa vertu aucun arrêt, mais au contraire un progrès continu. Je remarque aussi dans la sainteté de la servante de Dieu une amabilité et une aisance qui ne me paraissent pas communes. Réponse à la 48e demande. Je n'ai jamais remarqué en elle rien d'indiscret, je viens de dire qu'au contraire tout dans sa vertu était simple et aimable. Réponse à la 49e demande. Je ne crois pas que la servante de Dieu ait eu de vision ni d'extase, sauf trois ou quatre fois, selon ce qu'on m'a raconté, à savoir, l'apparition de la Sainte Vierge qui l'a guérie à l'âge de 10 ans. Une vision prophétique de la maladie de mon père, une flamme ou blessure d'amour en faisant le chemin de la croix au Carmel, un état extraordinaire d'union à Dieu pendant 8 ou 10 jours au cours de son noviciat, et un état extatique au moment de sa mort, mais je n'ai été témoin direct d'aucun de ces faits et Thérèse ne m'en a jamais parlé. En ce qui me concerne, je dois rappeler une vue prophétique de la servante de Dieu touchant ma vocation. Comme j'avais abandonné la visitation après un essai infructueux, elle dit à Sœur Marie du Sacré-Cœur qui me l'a rapporté, « Après ma mort, je ferai rentrer Léonie à la visitation et elle y persévérera. » J'y suis rentré, en effet, le 28 janvier 1899, j'y ai fait profession en 1900 et j'ai pu y persévérer jusqu'à ma mort. Le 3 juin 1897, alors que j'étais rentré dans le monde, et que je songeais plutôt à m'orienter vers la vie séculière, elle m'envoya une image que je garde précieusement, elle avait écrit au revers cette phrase « Chère petite sœur, qu'il m'est doux de penser qu'un jour nous suivrons ensemble l'agneau pendant toute l'éternité » lettre 238. Réponse à la 50e demande. En dehors des faits relatés dans la question précédente, je n'ai pas entendu dire que la servante de Dieu ait fait des miracles pendant sa vie. Réponse à la 51e demande. Je me souviens que Mère Agnès de Jésus me dit au parloir qu'elle avait donné à Sœur Thérèse de l'Enfant de Jésus l'obédience d'écrire l'histoire de son âme. Mais je n'ai eu connaissance du contenu de ce manuscrit que lors de sa publication après la mort de la servante de Dieu. Je puis certifier, pour les premières années de sa vie, dont j'ai été témoin, que ce récit est parfaitement véridique, et je n'ai pas le moindre doute sur le caractère de scrupuleuse sincérité de tout le reste du manuscrit. Réponse à la 52e demande. J'ai été informé, au fur et à mesure des événements, soit par des lettres de mes sœurs, soit par leur conversation au parloir, de ce qui se passait dans les mois qui ont précédé immédiatement la mort de la servante de Dieu. Elle s'est alitée définitivement au mois de juillet 1897. Je l'ai vu pour la dernière fois au parloir, le 3 juillet, si je ne me trompe. Son visage me parut alors comme diaphane et céleste. J'ai appris de mes sœurs qu'elle a beaucoup souffert et dans des sentiments admirables de foi, d'amour et de patience. Je garde d'elle une lettre très précieuse que j'ai déjà versée au premier procès. C'est la dernière qu'elle m'ait écrite, elle est du 17 juillet 1897, et écrite au crayon. La voici, ma chère Léonie, je suis bien heureuse de pouvoir encore m'entretenir avec toi. Il y a quelques jours je ne pensais plus avoir cette consolation sur la terre, mais le bon Dieu paraît vouloir prolonger un peu mon exil. Je ne m'en afflige pas, car je ne voudrais point entrer au ciel une minute plus tôt par ma propre volonté. L'unique bonheur sur la terre, c'est de s'appliquer à toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne, la tienne est bien belle. Ma chère petite sœur, si tu veux être une sainte, cela te sera facile, puisqu'au fond de ton cœur le monde n'est rien pour toi. Tu peux donc, comme nous, t'occuper de l'unique chose nécessaire, c'est-à-dire que, tout en te livrant avec dévouement aux œuvres extérieures, ton but soit unique, faire plaisir à Jésus, t'unir plus intimement à lui. Tu veux qu'au ciel je prie pour toi le Sacré-Cœur, sois sûr que je n'oublierai pas de lui faire tes commissions et de réclamer tout ce qui te sera nécessaire pour devenir une grande sainte. Adieu, ma sœur chérie. Je voudrais que la pensée de mon entrée au ciel te remplisse d'allégresse, puisque je pourrais t'aimer encore davantage. Ta petite sœur, Thérèse de l'Enfant Jésus, lettre 257. Elle mourut le 30 septembre 1897, à 7 heures du soir, dans une extase d'amour, dont mes sœurs me firent alors le récit, et qui a été, depuis, décrite dans le chapitre supplémentaire de l'histoire d'une âme. Réponse à la 53e demande. J'ai vu le corps de la servante de Dieu exposé à la grille du cœur. Son visage me parut d'une beauté extraordinaire et telle que je ne l'ai jamais vue chez aucune morte. Je serais bien resté à le contempler. Mais l'affluence des fidèles qui venaient voir son corps et prier m'en empêcha. Il y avait du monde plein la chapelle, dans le sanctuaire et sur les marches de l'autel. Il en vient certainement beaucoup moins à la mort des autres carmélites. J'entendais dire derrière moi, comme elle est belle, on a peine à prier pour elle. On se sent comme forcé de l'invoquer il même. Réponse à la 54e demande. J'ai assisté à l'inhumation qui eut lieu le lundi 4 octobre, au cimetière de la ville. Dans une tombe placée à l'angle du fond, à droite, dans le nouveau terrain des Carmélites, j'ai remarqué que la tombe était très profonde. Il y avait un nombreux concours de clergé. J'ai appris par les documents publics qu'on l'avait exhumée et transférée dans une tombe voisine, par ordre de Monseigneur l'évêque de Bayeux, le 6 septembre 1910. Réponse à la 55e demande. À la première inhumation à laquelle j'ai assisté, il n'y a absolument rien eu qui ressemble à un culte rendu à la servante de Dieu. Je n'ai pas assisté à la cérémonie de la translation. Réponse à la 56e demande. Après la mort de la servante de Dieu, je suis encore resté dans le monde 18 mois avant d'entrer définitivement en religion. Pendant ce temps, je venais souvent prier sur la tombe de ma petite sœur. Quelques fidèles y venaient déjà, mais en petit nombre. Depuis janvier 1899, étant cloîtré, je n'ai pas revu le tombeau, mais je sais, par le témoignage public, qu'il s'est établi un courant de pèlerinage à cette tombe. Ce pèlerinage est aujourd'hui nombreux et continu. Réponse à la 57e demande. Du vivant de la servante de Dieu, alors qu'elle était encore au Buissonnet, j'entendais souvent des personnes d'un bon jugement dire que ce n'était pas une enfant ordinaire, que son visage avait quelque chose de céleste et que la sagesse de sa conduite, comme sa piété, était exemplaire. Plus tard, lorsqu'elle fut entrée au Carmel, Plusieurs des religieuses du monastère m'ont dit au parloir qu'elle n'était pas ordinaire, qu'elle avait la maturité d'une personne de 40 ans, qu'elle était considérée comme une religieuse modèle par toute la sainteté de sa vie. Quelles étaient les moniales qui rendaient ce témoignage? S'agissait-il des propres sœurs de la servante de Dieu? Il y en avait d'autres que mes sœurs, mais je n'ai pas retenu leurs noms, sauf ceux de Mère Marie des Anges et Sœur Thérèse de Saint-Augustin. Que savez-vous de la renommée de sainteté de Sœur Thérèse après sa mort? Quand l'histoire d'une âme apparut, l'admiration des fidèles pour la sainteté de la servante de Dieu s'est répandue comme une traînée de poudre, et aujourd'hui, c'est comme un grand incendie dans le monde entier. J'ai remarqué que la servante de Dieu dit, dans son manuscrit, « Jusqu'ici, Seigneur, j'ai annoncé vos merveilles, et je continuerai à les annoncer dans l'âge le plus avancé manuscrit, C3.1. » Ne prophétise-t-elle pas véritablement la mission que nous voyons s'accomplir aujourd'hui? Depuis mon arrivée au Carmel pour y faire ma déposition, je remarque qu'il y a beaucoup de monde et de communion dans la chapelle où il n'y avait à peu près personne autrefois. J'ai vu, dans la chapelle, un pèlerinage présidé par un prêtre qui a dit la messe au groupe des pèlerins. Je suis très étonné de voir dans un corridor intérieur du monastère la quantité d'ex-voto envoyés en témoignage de reconnaissance pour des faveurs obtenues par l'intercession de la servante de Dieu. Des piles et d'autres ex-voto sont enfermés dans un appartement, on brûle constamment, devant la statue de la très sainte Vierge, des cierges envoyés par les fidèles, il paraît qu'on en brûle pour 600 francs par mois. Dans ma communauté de la Visitation de Caen, on est unanime à reconnaître que Sœur Thérèse de l'Enfant de Jésus est une sainte. Sans doute l'enthousiasme n'est pas au même degré chez toutes nos religieuses, mais toutes s'accordent à reconnaître sa sainteté. Réponse à la 58e demande. Je n'ai pas entendu formuler d'opposition à la réputation de sainteté de la servante de Dieu. J'ai bien entendu, même dans notre communauté, émettre cette idée qu'il y avait quelque enthousiasme et quelque exagération dans la diffusion des images, médaillons, bijoux, etc., concernant Sœur Thérèse. On croit même que c'est le Carmel qui prend l'initiative de cette propagande. Mais ce n'est pas vrai, ou bien le Carmel ne fait que répondre aux demandes des fidèles, ou, dans bien des cas, ce sont des commerçants qui, sans qu'on puisse les en empêcher, répandent dans le public des objets de leur fabrication. Réponse le la 59e à la soixante cinquième demande inclusivement. Vers l'année 1900, en hiver, le soir, sous une impression d'ennui et de dégoût, je récitais lâchement l'office divin. Alors une forme lumineuse, dont je fus ébloui, apparut sur mon livre d'heures. Je n'en fus pas effrayé, bien au contraire. Après un instant je me rendis compte que cette forme lumineuse était une main. Je crus fermement que c'était ma petite Thérèse, je fus parfaitement consolé et ressentis une paix délicieuse. Depuis, ce phénomène ne s'est pas renouvelé. Le 30 septembre, jour anniversaire de la mort de Sœur Thérèse, je sentis à deux ou trois reprises, une odeur de rose, il y a de cela 4 ou 5 ans, les autres années cette faveur ne s'est pas renouvelée. J'avais parlé, au premier procès, de la guérison miraculeuse d'une religieuse de notre communauté, Sœur Marie Bénigne, mais on a reconnu, depuis, que cette religieuse est dans un état de nervosisme qui rend ce cas suspect. J'ai entendu, soit dans notre communauté, soit au parloir, un nombre assez considérable de personnes se reconnaître redevables, à l'intercession de Sœur Thérèse, de diverses faveurs spirituelles. Moi-même j'ai confiance d'avoir obtenu beaucoup de grâce en l'invoquant. J'ai lu de nombreuses relations, soit manuscrites, soit imprimées dans les pluies de roses, de faveurs temporelles et spirituelles obtenues de la servante de Dieu, mais je n'ai pas fait de ces cas une étude particulière. Enfin, hier en récréation, au Carmel, On nous a lu une lettre du colonel Etienne qui a consacré tout son régiment à Sœur Thérèse et remarque qu'il est très protégé. Réponse à la 66e demande. Je n'ai rien à ajouter. Au sujet des articles, le témoin dit ne savoir que ce qu'il a déjà déposé en répondant aux demandes précédentes. Est ainsi terminé l'interrogatoire de ce témoin. Lecture des actes et données. Le témoin n'y apporte aucune modification et signe comme suit. Signatum, Sœur Thérèse Françoise Martin, témoin. J'ai déposé comme ci-dessus selon la vérité, je le ratifie et je le confirme. Les témoins du procès apostolique.